Bukannya. Sentir kuadra. Amai duba kayuku. Adolfo Mute Bachila Mouina. Vincent Gomez, directeur international Keitan Kodia. Mon frère Mongaï. Batuba Koma Kosambe la Fona Kobanga déception à Bolo. Yes, moi, dans le temps, il y a beaucoup de bois qui coulinga. Azara n'a pas dité. Il peut aller au bas, il va décevoir. Il y a moi, dans le temps, il peut aller à l'île. Mon amour, il y a quand même. Je suis obligé de comprendre. Ma couple va incompréhension, ma mère. Mixvina, Meranita et Como, Anderson Likoto, Bob Kuba, Double Rolex en or, Junior qui sentit force tranquille, le boss Tani, Sika, Hôtel Le Bourgeois, Antoine Gonda, Nida Bugato Branda, Francis Calombo, Aubin Mina, comment plaisir toujours, toujours, la réserve de la République, Saga Trésor Moulama, de Chris Zawakone, et Babaya, Jody Mongo, Petit Mamis Kamunga, José Wambo d'Agostel, Bobo Kachouantale, Couleur Costa Code RDC,